La pluie qui tombe sur la ville respire la vie. Et l'oiseau qui dort sur son fil joue avec la nuit. Mais moi, sans toi, je ne comprends pas. Je n'existe pas. J'ai dans mon cœur toute une nuit d'amour qui me ronge. Devant les yeux comme une cage en verre avec des songes. Bye.